Debout de bonne heure, ils sont toujours. Alors mamie s'est fait faire une couleur chez le coiffeur. Papy a sur son blazer une grosse tache de beurre, la casquette sur le crâne, à la ceinture la banane. Au volant d'un 309 qui brille comme un sous-neuf, qui ne fait pas son âge vu qu'elle est de Rogarage. Sauf cette rayure sur l'aile gauche, ça c'est vraiment moche. Papy ça l'a réprimé pendant plusieurs nuitées. Les petits vieux dans les supermarchés sont un peu déplacés. C'est moins cher que chez l'épicier. La caissière, elle a pas tant de causé. La pièce pour le caddie bien à sa place dans le vide-poche. Où est-elle partie? C'est toi qui l'as mis dans ta poche. On s'est garé loin de l'entrée pour pas avoir à manœuvrer. Alors il faut marcher. Oh, on a oublié le panier. Tiens, la biographie de Daniel Gilbert. Mamie, ça suffit et puis c'est beaucoup trop cher. La jeune fille du fromage, ils l'ont encore changée. C'est jamais la même comme chez le boulanger. Les petits vieux dans les supermarchés sont un peu déplacés. C'est moins cher que chez l'épicier. Et la caissière, elle a pas tant causé. Papy lit ce qui est marqué d'un air méprisant. La faute à ses doubles foyers, il peut pas faire autrement. Et puis il s'est égaré dans le rayon lingerie, qui peut bien acheter toutes ces saloperies. Vers les caisses encombrées, ils avancent doucement. Cette fois-ci c'est juré, personne ne nous passe devant. On rentre au pavillon, papy est un peu bougon. Mamie pense à Daniel Gilbert, papy à la jolie caissière. Les petits vieux dans les supermarchés sont un peu déplacés. C'est moins cher chez l'épicier. Mais la caissière, elle a pas tant causé. Les appeler les petits vieux, c'était déplacé. On a trouvé mieux, on dit les personnes âgées. On les a trop appelés ainsi, ça leur a fait du tort. Alors le dernier cri, c'est de les appeler le seigneur. Un jour on décidera que c'est dégradant, on les renommera les maljaunissants. Qu'est-ce que c'est que ce temps qui rigole de ces vieux sages, où on attend d'être lent, où on ne veut plus dire son âge. Chez l'épicier, mais la caissière.